chez moi, c'est toujours la merde. Man, ça pue grave, les pultras en plus cas sont dans le coin pour pécraf. Y'a pas de péga, mais des pégas qui arrivent pas, explose la toto, vers de rica. On est trica. Par les décons, ça dénonce la violence dans le milieu du béton. Sors ton pédo, ou ta net cas, j'entends le cri des racailles, les petits crames des redcas. Rien que ça péta, prends ton P4, c'est le dégât. Ici, pas jeunesse mise à l'écart, pas de l'écart. Département, plaque 4, mon équipe en mode débarquement. Comportement, insupportable, et de port commande, t'as Noël des permis portables. Les phonos portables, certes au trafic, on est catalogué, y'a nos portraits chez les sales flics. Tiens, on se barre, fonce d'art, grosse barbe, grosse barre sur la route pour taper des grosses barres. Survêt de cosse là, ici on se la raconte pas. Boulette de tosma, la haine on la raccompagne. Bagarre, on se tape, c'est la merde, je constate. Rosta, son baisse, t'inquiète, on garde contact. Trafic, bolos, sale fric et sa balance. Hachiche, hosto, sale fric et sa parent. Le coup, sa mère, j'suis venu pour vous la mettre. Relouvrez salaire et mes jeunes foutent la merde. Garde à galère, partage et mal-être. Bâtard calé, si c'est carnage, ça balaye. Grosse thune, cigare, alcool et partout. Grosse pute, sida, du sperme collé partout. Clan d'os, argent, la chance, la rue, la danse, la dure, la France m'a eu genou. Oral de flic sur un grand rôle, tu sois personne ou petit soin. Quand t'es au sol, un vendredi soir, genou. Ça se croit dans une grande arène, ça joue les gladiateurs, ça met ses couilles au bout d'un grand arène. Genou. C'est qui tout tout banque, tout touche 10 000, un bon coup de baramine, la mythe, le genre du stimmy. Genou, c'est blanc bec. Arabe Kafri, chez nous c'est blanc B, braque la baraque à frites. Chez moi, la chance est aussi rare que d'argent. En bois, ça vend mais des gosses, il va d'armes blanches. Chaque pote postule pour le côté obscur. Alcool, drogue, dur, jackpot, grosse pute. Ce beau déchetir, par la dame modestide. Mauvaise vire, vagadame, moïviste. Professif faussé, comme un verdict sans possible. C'est le dire aussi, comme un verdict va boucher. Alors, chez moi, l'échec témoigne. À tort et d'art, les frères s'éloignent. Ressuscitant le pilon, la réussite en dix dons. La fin fusille en 10 secondes. Perdu dans la rue, la houdère, plus la fume. C'est dur sans la thune et l'ouverture à vue. Marchant pour le nord, le rap est à bout de force. Et chante sous le porche, calé à Boulogne. Chez moi ça pue l'angoisse, H24, 7 jours sur 7. Putain sa mère, j'ai tout tenté, mais impossible de l'assumer. Elle met sur la trace, un peu comme une personne ayant le sida après avoir baisé une tasse. Tu veux vraiment savoir à quoi nos filles ressemblent? Je pourrais te la définir en moins de 30 secondes. Y'a que de la haine en bas des HLM, volant en gros ce qu'on ressent. Dans mon quartier, les rues sentent la pisse. Et puis l'essence ne me parle pas de sentiments, car dans le ciment, l'amour a disparu, on n'y trouve que des cendres. Les problèmes financiers, ça tout le monde connaît. À part bien sûr les pétés thunes, qui se sont contentés de net, mais qui seraient rien sans maman et papa derrière leur cul. Tu vois ce que je veux dire? L'argent rend différent les gens, certains confondent l'amitié avec ce que tu possèdes sur ton compte en banque. Chez nous, oral de flic sur un grand rôle, tu sois personne ou petit soin. Quand t'es au sol, un vendredi soir. Chez nous, ça se croit dans une grande arène, ça joue les gladiateurs, ça met ses couilles au bout d'un grand arène. Chez nous, c'est qui tout tout banque, tout touche 10 000, un bon coup de baramine, la mythe, t'as le bon genre du stimmy. Chez nous, c'est blanc bec, arabe qu'un frit. Chez nous, c'est blanc B, braque la baraque à frites. Chez nous, oral de flic sur un grand rôle, tu sois personne ou petit soin. Quand t'es au sol, un vendredi soir. Chez nous, ça se croit dans une grande arène, ça joue les gladiateurs, ça met ses couilles au bout d'un grand arrêt. Chez nous.